cours de l'histoire, Xavier Mauduit. De la dispute au discours, enseigné par l'éloquence. En 1764, dans son dictionnaire philosophique, Voltaire s'intéresse au mot « secte ». « Il n'y a point de secte en géométrie », écrit-il. « On ne dit point un euclidien, un archimédien, un newtonien, un lockien. » Et Voltaire précise « Quand la vérité est évidente, il est impossible qu'il s'élève des partis et des factions. Jamais on a discuté s'il fait jour à midi. » Sans contredire Voltaire, même en géométrie, il est des sujets qui font débat. Et c'est pire encore, avec la théologie, l'histoire, la politique, autant d'occasions de faire preuve d'éloquence. Françoise Vaquet, bonjour. Bonjour. À quel moment peut-on dire que dans l'enseignement, l'écrit l'a remporté sur l'oral? Ben ça, c'est une question qui est un peu un piège, parce que je pense que l'enseignement est un monde d'oralité. Même si vous avez évoqué, en commençant les examens, je rappellerai que jusqu'à une date finalement relativement récente, du moins pour l'historien, les examens étaient uniquement des examens oraux. Et c'est ensuite devant la masse des étudiants que des écrits ont été introduits. Mais si l'on regarde le monde de l'enseignement en général, je dirais que c'est un univers de paroles. Et je me permettrai de rappeler cette citation de Paul Ricoeur, disant « Qu'est-ce que je fais quand j'enseigne ? Je parle. La parole est mon métier, la parole est mon royaume. » Donc je crois qu'avec cette citation, on voit d'une part l'importance presque quantitative de la parole, faire métier de parole, et en même temps le statut élevé qui est reconnu à la parole, royaume. Le royaume de la parole, l'importance de l'oralité. Françoise Vaquet, vous êtes archiviste, paléographe, historienne et directrice de recherche émérite au CNRS. Vous venez de faire paraître une histoire émotionnelle du savoir du XVIIe siècle à aujourd'hui XXIe siècle, avec, et non plus dans l'idée de l'enseignement, mais dans celui de la recherche, une place là accordée à l'écrit, où dans la forme de l'écriture même du savoir, il y a une volonté de se détacher, ou il y a eu, peut-être que ça revient, de se détacher de la personne, de l'individu même, presque une neutralité dans l'écrit. Oui, plus qu'une neutralité, c'est le grand mot dans les disciplines, pas uniquement dans les sciences humaines, mais dans toutes. Ce grand mot qui s'est mis qui est devenu un slogan, si je pourrais dire, à la fin du 19e siècle, c'est le mot objectivité. Il fallait être objectif, il faut couper en quelque sorte toute l'émotion que l'on a pu ressentir tout au long de la recherche, qui a pu être fortement, fortement émotionnelle. On ne trouve pas, on compte des personnes sympathiques, pas sympathiques, etc. Et il y en a un très bel exemple qui a été donné par le professeur Jacob, François Jacob, qui dit que finalement, ce qu'il publie maintenant, c'est l'article, est un article décharné, dépouillé de toutes ces scories émotionnelles, et ces scories émotionnelles qui ont fait que la recherche a été aussi faite, si vous voulez. Donc, au moment de l'écriture, c'est certain, il y a un travail presque de décapage qui doit être fait. Et je me rappelle quand j'étais étudiante, on nous rappelait qu'il ne fallait pas s'indigner, qu'il ne fallait pas prendre parti, qu'il fallait rester neutre, et on nous amenait à prendre aussi à dire non, je, il fallait pas dire je. Je m'appelle, mais il fallait dire éviter on, parce que on c'était impersonnel, et alors on avait un nous qui était un peu ridicule, parce que ce nous de majesté qui était des fois appliqué à des réalités extrêmement banales, où on s'en tirait avec des il faut, on devra, etc. Mais ça, c'est certain qu'il y a un travail de décapage qui est fait et qui reste fait, même si à l'heure actuelle on voit dans certains domaines, par exemple en histoire, des histoires beaucoup plus littéraires, si j'ose dire, où la personne prend parti, se donne à voir. Oui, prendre parti dans l'argumentation, c'est un élément qui peut nous conduire au Moyen-Âge. Claire Angotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. Et justement, dans la forme d'enseignement au Moyen-Âge, il y avait partie prenante de l'individu au moment de défendre ses arguments. Tout à fait, là aussi, pour le Moyen-Âge, et en particulier lors du développement des écoles et surtout des universités, l'oralité pesait, avait une très grande importance, et la plupart en fait des exercices étaient avant tout des exercices oraux. Et effectivement, un des exercices oraux les plus courus, en particulier à l'Université de Paris, c'est la dispute qui permet justement aux maîtres de construire leur autorité et de penser même la société. Au-delà de leur propre activité d'intellectuel, en quelque sorte, ils s'érigent grâce à la dispute en penseurs du pouvoir, en penseurs de la société. Donc ils prennent parti. Oui, voilà, prendre parti avec ce mot particulier qui est dispute. Qu'est-ce qu'une dispute, Claire Angotti ? Vaste question. Alors, ça vient du latin disputatio, et en fait, c'est un terme qui existe déjà dans le latin antique, qui peut avoir plusieurs sens. Simplement, un sens assez neutre, en fait, de débat, de controverse, éventuellement, mais un sens encore plus neutre de traitement d'une question. Et puis, avec l'apparition des écoles, et surtout de l'université, ce mot de dispute, prend vraiment un sens hyper technique. Là, c'est vraiment la confrontation d'opinions différentes sur une question, avec des arguments pour, des arguments contre une première solution proposée, et finalement la réponse donnée par le maître qui anime cette dispute. C'est très codifié. C'est extrêmement codifié, et la dispute est le genre par excellence de la scolastique, en réalité. Donc c'est vraiment une sorte de machine à penser, la scolastique. Une façon, finalement, d'explorer toutes les facettes d'un problème et d'essayer d'en trouver la solution la plus pertinente. Oui, parce que la scolastique, c'est la manière d'enseigner, dirons-nous, est vraiment quelque chose qui, au Moyen-Âge, reflète une pensée beaucoup plus large que celle de l'université. Et d'ailleurs, Claire Angotti, ces modes de réflexion, de transmission des savoirs et d'échange d'arguments est quelque chose qui est déjà présent avant même l'apparition de l'université. Oui, oui. Dès l'Antiquité, en fait, le maître, pour faire progresser ses élèves, pouvait poser des questions pour obtenir des réponses. Simplement, elle devient de plus en plus technique, cette méthode, et elle dépasse le cadre de l'enseignement universitaire. Oui, parce qu'il y a un héritage antique évident. Qui sont les auteurs qui inspirent au Moyen-Âge pour cette dispute ? Là aussi, vaste question. on ne sait pas bien quand cette dispute scolastique naît. Enfin, on a des hypothèses. Elle naît en fait avant l'université, dans le contexte des écoles. Un certain nombre de juristes, vraisemblablement, ont démarré ce type d'exercice précisément pour préparer leurs écoliers, leurs étudiants ensuite, à tenir le rôle d'avocat et de juge. Donc on est là, disons, dans le deuxième quart du XIIe siècle. Mais ça, c'est pour le monde des juristes. Pour le monde des théologiens ou des médecins, il semble que la dispute ne naisse pas de ces obligations hyper concrètes qu'ont les juristes. Et plus vraisemblablement, la dispute naît justement d'un autre exercice qui est le commentaire d'une autorité. On essaye d'expliquer un texte, et le texte soulève un problème particulièrement complexe, difficile à traiter. Et donc le maître, petit à petit, va décider de consacrer une séance particulière pour essayer d'explorer le problème et de régler le problème avec ses étudiants ou ses écoliers. Et disons qu'à la fin du XIIe siècle, la dispute devient un exercice relativement répandu dans les écoles de théologie et aussi parmi les médecins. Et puis dans les inspirations, nous évoquions l'Antiquité. Évidemment, dans l'Antiquité, nous connaissons bien ces échanges entre maîtres et disciples. Ben, c'est le cas avec Socrate, avec Platon. Ben, alors attention, avec Platon, au moment du banquet, faut pas avoir le hoquet. Pausanias, ayant ainsi fait pause, car les doctes m'ont appris à équilibrer mon langage, Aristodème me contait que c'était alors à Aristophane de parler, mais que soit pour s'être gorgé à l'excès, soit pour toute autre cause, il se trouvait avoir été pris d'un hoquet qui ne lui permettait pas de prendre la parole. Ce qui ne l'empêcha pas de s'adresser à Éric Zimac, le médecin, lequel en effet était installé à la place en contrebas de la sienne. « Éric Zimac, lui dit-il, tu ferais bien soit de m'arrêter ce hoquet, soit de parler au lieu de moi jusqu'à ce que je me le sois arrêté. » « Eh bien, répliqua Éric Zimac, je vais faire les deux choses. Je prendrai en effet ton tour de parole et toi le mien quand tu te le seras arrêté. Et d'autre part, pendant que moi je parlerai, est l'obligation de retenir longtemps ta respiration. Alors, arrêt de ton hoquet. Dans le cas contraire, gargarise-toi avec de l'eau. Et si par hasard il résiste totalement, prends quelque chose avec quoi tu puisses te chatouiller le nez éternu, et quand tu l'auras fait une fois ou deux, enfin, si totalement résistant qu'il soit, il s'arrêtera. Ne pourrais-tu pas te presser de parler, dit Aristophane. Quant à moi, je vais faire ce que tu dis. Michel Aumont qui lisait un extrait du Banquet de Platon. Mais dites-nous, Claire Angotti, dans le Banquet de Platon, nous avons cette discussion entre pères, discussion antique, avec un échange au moment du banquet. La dispute médiévale, ce n'est pas du tout ça. Déjà, par la fréquence de la dispute, c'est pas quelque chose qui s'improvise comme ça. Et puis, il y a toujours des rapports d'autorité. Oui, alors... Il y a toutes sortes, en fait, de disputes. Il y a d'abord les exercices conduits par les maîtres. Mais ces exercices conduits par les maîtres peuvent avoir lieu dans deux types de circonstances. Premier type de circonstances, au sein de sa propre école, avec ses propres étudiants, pour justement les entraîner à la dispute. Le maître propose une question et il attribue souvent à des étudiants assez avancés des rôles dans cette dispute qui vont permettre justement d'explorer le problème. En général, on a deux acteurs importants dans cette dispute, celui qu'on appelle l'opposant et celui qu'on appelle le répondant. Et donc tous deux s'affrontent en fait jusqu'à ce que le maître, alors soit immédiatement, soit dans une séance qui a lieu 24 heures plus tard, le maître apporte sa solution, ce qu'on appelle sa détermination. Ça, c'est le premier cas de figure. Puis le second cas de figure, c'est ce qu'on appelle les disputes solennelles ou ordinaires, qui sont là vraiment un événement très particulier au sein de l'université et qui sont ouvertes, en fait, aux autres maîtres et aux autres étudiants d'une même faculté ou de l'université. Et donc ces disputes très solennelles mettent là aussi en scène, en jeu, non seulement le maître, mais des étudiants qui ne sont pas là seulement ses propres étudiants. Ça peut être les étudiants d'un maître rival ou d'un collègue. Dans le mode de réflexion de cette dispute, à vous écouter, nous retrouvons le schéma classique thèse, antithèse, synthèse. Françoise Vaquet, il y a de ça dans cette dispute médiévale, même quand elle a disparu de plus proche de nous, on retrouve un peu ça. D'abord, je voudrais dire que la dispute n'a pas disparu. Ah, alors. On pense qu'avec les attaques des humanistes, pensons à Rabelais, par exemple, qui s'en est pris à tous ces exercices de la Sorbonne, on pense que ça a disparu. Eh bien, point du tout. La dispute a continué. Des étudiants ont été entraînés à disputer parce qu'ensuite leurs examens se présentaient sous la forme de disputes, donc il fallait les entraîner. Il y a aussi des cas où on voit des maîtres qui disputaient entre eux, et on appelait ça, par exemple, à l'université de Pise, il y avait les disputes circulaires avec des maîtres qui disputaient entre eux, et en particulier, il y avait des maîtres, des juniors, en quelque sorte, qui devaient faire bonne figure pour progresser, en quelque sorte, dans la carrière. Et il y a, par exemple, aussi un exercice qui est considéré comme tout à fait moderne, de la pédagogie moderne, le séminaire en Allemagne au 19e siècle. Eh bien, il y a un étudiant arrive avec un travail préparé et il y a un opposant, un autre étudiant qui vient se porter en quelque sorte la contradiction. Un débat s'ouvre et à la fin, bien sûr, c'est le maître qui détermine en quelque sorte la vérité. Je signale que dans les cours de droit, encore dans les années jusqu'en 1930, il y avait des cours qui étaient organisés. Le professeur faisait son cours en forme de dispute, se portait à lui-même en quelque sorte la contradiction. Donc, si vous voulez, dans l'enseignement moderne, quasiment contemporain, la dispute est demeurée. Bon, quant à antithèse, synthèse, la question que vous me posez, bien sûr, cela vient tout à fait de là, cet échange d'arguments pour et contre, et ensuite, à la fin, une résolution, une détermination, oui, tout à fait. Voilà, une dispute qui continue, et c'est vrai que nous avons un schéma que vous nous expliquez clairement et qui est très simple, mais la question se pose pour les historiennes que vous êtes, puisque nous parlons d'oralité, quelle source nous permet de toucher à cette oralité ? Claire Angotti, ce qu'il nous reste, ce sont surtout les écrits. Ah bah bien sûr, on n'a pas d'enregistrement, ben malheureusement, des disputes médiévales ou des commentaires oraux médiévaux. Hein. On a deux types d'écrits finalement, enfin pour dire les choses très très brutalement, qui témoignent de ces exercices oraux, soit des notes de cours qu'on appelle des reportationes, c'est-à-dire des notes prises au vol hein, par des auditeurs au cours de ces disputes et qui peuvent être des notes plus ou moins fiable, plus ou moins rapide, lié aussi à l'intelligence de l'auditeur, à son avancement éventuellement dans un cursus. Hein. Et puis de l'autre, on a la mise au propre de la dispute, la rédaction de la dispute, beaucoup plus travaillée évidemment, en général par le maître. Et c'est seulement ces deux types de sources qui nous permettent de saisir ce type d'exercice oraux. Françoise Vaquet, vous avez écrit « Parler comme un livre, l'oralité et le savoir du XVIe siècle, XVIe au XXe siècle, et puis l'ordre matériel du savoir ». Eh bien justement, je vous pose la même question. Oui. Cette recherche de l'oralité est difficile pour l'historienne. Oui, elle est difficile et elle ne l'est pas, je dirais. Au début, quand j'ai commencé ce travail, naturellement des collègues m'ont dit « Oui, c'est bien intéressant, mais où sont les sources ?» Bon. Et je me suis rendu compte que, si vous voulez, les sources, pour ce que je voulais faire, qui n'étaient pas retrouvées des mots, qui n'étaient pas certifiées des mots, la façon dont ces mots ont été aussi prononcés, performés, si j'ose dire, hein, parce que là, il ne faudrait pas des enregistrements, il faut des vidéos. Bon, et encore, ces vidéos, est-ce qu'on sent l'atmosphère d'une... l'impalpable, en quelque sorte, d'une salle, d'un auditoire, c'est notre problème. Alors, si on ne cherche pas à faire ça, si on cherche à savoir quelle a été la place de l'oralité dans une civilisation qui se présente comme une civilisation écrite, une civilisation de l'imprimé, si l'on essaie de voir les formes de l'oralité dans cette civilisation, le statut de l'oralité, sa fonction, eh bien, alors là, les sources abondent, sont naturellement des sources écrites, des sources multiples, naturellement, des sources définissant des modalités. Par exemple, quand les posters scientifiques ont été créés, là, il y a une littérature énorme. Les gens ne savaient pas comment faire. Il fallait les guider. Donc, on explique comment faire un poster. Pour les séminaires, quand au 19e siècle, quand l'université française tente de se moderniser, de se réformer, il y a eu bien des universitaires français qui sont allés séjourner dans les universités allemandes et qui ont fait des rapports qui indiquent comment chaque chose se faisait très très précisément. Ensuite, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont parlé ou qui ont entendu parler, maîtres et élèves, les règlements. On a une masse finalement documentaire, et le problème... Plutôt, c'est alors de se débrouiller dans la masse des documents, si vous voulez, plutôt que de déplorer leur manque. Puis ce qui est bien, c'est que dans cette histoire, parfois, il y a le diable. La dispute était presque achevée quand un jeune homme ayant l'apparence d'un étudiant entra dans l'école et, saluant le maître, dit « Sur quel sujet porte la dispute ?» Albert répondit « Sur n'importe quel sujet. » Alors l'écolier dit « En quel point de la dispute êtes-vous ? Des anges. Alors, dit-il, vous répondrez sur les anges, maître. Et ce même étudiant présenta à maître Albert trois arguments d'une telle profondeur que le maître ne les comprit pas ni ne sut y répondre. La dispute s'acheva. Tous devaient revenir le lendemain. La nuit suivante, après matine, le maître marchait de long en large dans le cloître, réfléchissant aux arguments de l'étudiant, quand il entendit une voix lui disant « Tu peux suffisamment réfléchir, maître. C'est moi qui t'ai cloué le bec avec le plus petit des démons qui séjournent en enfer pour que ton cœur soit plus humble. Voici le moyen d'argumenter contre lui. Dès que le maître l'entendit, il saisit aussitôt la solution contre les arguments, et il rapporta tout ceci devant tout le monde au matin et le raconta aux écoles. Extrait d'une chronique du XIVe siècle, lue par Marc-Henri Boas dans le cours de l'histoire sur France Culture, quand frère Albert dispute avec un diable qui a pris l'apparence d'un étudiant, Claire Angotti. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors on est là justement dans une histoire bien sûr fictive. Hein. Il y a toutes sortes d'histoires qui circulent autour d'Albert le Grand. Mais cette histoire m'a semblé tout à fait intéressante parce que justement, elle permet de bien saisir l'importance de la dispute pour ses maîtres hein, qui construisent aussi leur réputation sur leur qualité d'orateur, de rhéteur, de combattant grâce à la dispute. Et là, il s'agit finalement de punir Albert qui fait preuve d'un peu trop d'orgueil. Et à l'issue donc de cette dispute, qui est une dispute tout à fait particulière, qu'on appelle la dispute quadlibétique, qui est encore un autre genre de dispute absolument fascinant. Au moment de cette dispute, presque à la fin de la dispute, le diable intervient et Maître Albert n'arrive pas à contrer justement les arguments du diable. Et c'est au moment de la détermination, donc la séance suivante, qu'il parvient justement à trouver la solution pour lutter contre les arguments exposés par le diable. Alors en deux mots, la dispute quadlibétique, c'est une dispute qui est essentiellement pratiquée par les théologiens, même si il semble qu'il y ait eu des disputes quadlibétiques dans d'autres disciplines aussi. Et ces disputes quadlibétiques, tout le monde pouvait y assister, pas seulement les maîtres de l'université, pas seulement les étudiants, mais la ville entière pouvait se rendre à la dispute quadlibétique qui avait lieu deux fois par an et qui était vraiment un temps fort de l'université. Et n'importe qui, à quolibet, pouvait poser une question au maître sur n'importe quel sujet des quolibet. Oui, quolibet, donc ça s'écrit comme colibet. Tout à fait. C'est pour ça qu'on retrouve ce mot-là. Françoise Vaquet, mais quand on entend ce type de dispute dans cet art de l'oralité, il nécessite d'avoir énormément de talent, de mémorisation. Ça, c'est un vrai travail. Ce n'est pas le talent qui compte, c'est la formation pour arriver à pouvoir maintenir une telle discussion. Mais, bien sûr, c'est pour ça que les étudiants étaient formés à cela. Il y avait, par exemple, en Italie, au XVIe, XVIIe siècle, il y avait des académies où on les formait, outre la formation qu'ils recevaient à l'université. Et souvent, il y avait aussi des tuteurs qui les formaient. Et alors là, tout dépendait aussi du niveau de l'étudiant. Et parce qu'aussi tout cela, il faut penser que cela se passait en latin. Ça se passait en latin en plus. Bon, il y avait non seulement la performance, disons, en contenu, mais en forme, en langage, en quelque sorte. Et il y a le cas assez pittoresque d'un étudiant de la fin du XVIIe siècle, qui avait été formé par son tuteur, son coach en quelque sorte, et qui avait appris tout par cœur, y compris les abréviations. Et le jour de la dispute publique, il a fait rire toute l'assistance en disant les abréviations, en quelque sorte. Il n'avait pas développé les abréviations. Non, il y avait un fort entraînement à cela. Ça reste, jusqu'au XVIIIe siècle, ça reste comme cela. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de compétences, mais une discussion telle que nous l'évoquons demande énormément de compétences, c'est-à-dire savoir parler, développer ses arguments, la mémorisation, savoir tenir son corps et savoir répondre à un public. Oui, un public aussi, vous avez dit tenir son corps aussi, il y a cet aspect un petit peu, comment dire, l'aspect physique en quelque sorte de la dispute, il fallait résister et aussi se montrer en quelque sorte à son avantage. Mais ce qui pour moi est le problème, enfin la question la plus importante, c'est la question aussi de la langue, hein, le latin quand même, d'autant que même pour les professeurs ce n'était pas facile. Quand on pensait que l'enseignement dans les universités est resté en latin jusqu'au XVIIIe siècle, et il y a des professeurs qui disent que c'était pas facile, qu'il fallait mémoriser tout cela. Et quand on a des textes, on voit que c'était souvent un latin quand même assez mêlée de vulgaire, par exemple. Mais d'ailleurs, Molière s'en moque dans Le Malade Imaginaire. Comme permissionné Domini Presidis, domanda votibi docte bacchelliere, que sont remedia, que in maladia, dite hydropisia, convenit facere. Clisterium donare, postea segnare, ensuite a purgare. Imaginaire. Le Malade imaginaire de Molière, un enregistrement de 1959. Françoise Vaquet, là, il y a moquerie justement alors sur la maîtrise du latin et puis aussi sur l'échange, c'est-à-dire quelque part vouloir paraître maîtriser le sujet mais ne pas le maîtriser du tout. Non, ne pas le maîtriser du tout, mais cet aspect du paraître dans la performance orale, dans l'oralité en soi, est une chose, je crois, très, très importante. J'ai été frappée en lisant, par exemple, des mémoires que des étudiants qui étaient devenus des professeurs, ont laissé sur leur maître. Et il y a toujours une description physique de la personne, avec naturellement des particularités. Par exemple, pour Yankelevitch, c'est toujours la mèche qui se promenait, etc. Sur Deleuze, on a la surprise de voir que Deleuze faisait cours, il faisait cours, était jeune professeur en costume et chemise blanche. On en reste absolument ébahi, c'est plus l'image que nous avons de Deleuze. Donc il y a tous ces traits physiques qui restent, ces traits de la parole, et souvent aussi un mot qui restait dans ma tête. Et ça, je l'ai vu très fréquemment dans l'ouvrage que j'avais fait sur les maîtres et disciples, où de voir que quelqu'un disait, ce maître, je l'ai rencontré, en cours. Son cours m'a intéressé. J'ai fait ensuite un diplôme. Je suis allée à ses séminaires. Il y a une proximité un peu plus grande. Puis j'ai fait mon diplôme ou ma thèse avec lui. Et là, souvent, il me recevait, mais souvent c'est un mot sur le pas de la porte ou un mot dans le couloir qui m'a ouvert un horizon. Alors, est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce une reconstruction? Mais là, on voit finalement la parole se réduisant à un mot qui était essentiel, en quelque sorte. Le mot déclic. Oui, le mot déclic. Oui. Et puis, en plus de la posture physique, de la maîtrise des connaissances, il faut aussi maîtriser l'éloquence. Dans la vie, il y en a qui n'ont pas de vanne et qui errent comme des ânes en plaine. Il y en a d'autres qui sont des pédants et qui passent fiers comme un petit banc. Quant à moi, je suis plein de connaissances parce que j'ai des compétitions, des compétences. Il y en a dont le langage est toujours sans jambage, mais moi je parle toujours avec jambage. Pensez à l'éloquence, c'est l'art de savoir bien causer. Pourquoi? Parce que... Ah bon? Mais oui. L'éloquence indique la personnalité. Pourquoi? Parce que... Ah bon? Oui. Il faut retourner le champ des idées. Si l'on veut qu'il soit cultivé, il ne faut pas dire des balivernes, prendre des bougies pour des lanternes. L'éloquence, moi dans ma famille c'est courant. Mais pourquoi? Mais parce que... Ah bon? Elle comprend rien. L'éloquence, j'allocutionne familièrement. Ça fait que pour causer j'ai pas de mal. J'ai des allocations familiales. En vertu de ceux qui précèdent, tout comme dans le principe d'Archipel, bien causer sera ma profession. Je manquerai pas ma convocation. Pensez, faut bien dire que je n'ai pas de mal pour trouver des paroles verbales, car j'ai dans mon cerveau toutes sortes de grands mots tels que isopropyl alyl acétyluré. Celui-là, c'est un grand mot. Ce qu'il y a, c'est pas bien commode de le placer dans la conversation, mais enfin, ça va. Ah, l'éloquence, tout comme l'a dit La Rochefoucauld. Oui, mais pourquoi? Ben parce que... Ah bon? Ah, c'est pourtant clair. Ah, l'éloquence, c'est dire beaucoup de choses en peu de mots. Oui, mais pourquoi? Mais parce que... Ah bon? Ah ben, tu commences à m'énerver, je sais. C'est dire comme disait Mirabeau. Fontaine, je boirai pas au tonneau. C'est dire comme le proverbe arabe, tomber le Caraïbe en syllabes. Ah, l'éloquence, c'est antique, c'est vieux comme mes robes. Oui, mais pourquoi? Mais parce que... Ah bon? Ah, là, là, c'est malheureux de causer avec des gens qui sont pas instruits. Ah, l'éloquence, inonde toutes les parties du globe. D'où je conclus que l'intelligence vogue sur les flots de l'éloquence. Ben oui, mais pourquoi? Mais parce que stultorum infinitus est numerus. Ah bon? Mais évidemment. Mais évidemment, Bourvil, ah, l'éloquence dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Jérémy Kaufmann. Le cours de l'histoire qui s'intéresse à l'art de la dispute au Moyen-Âge, de la dispute au discours. Dites-nous, Claire Angotti, l'éloquence justement que nous évoquions avec Bourvil, comment pouvez-vous la saisir pour les disputes au Moyen-Âge? Que nous reste-t-il? Fallait-il être bon orateur pour imposer ses arguments? Est-ce que c'était pris en compte ça? Oui, il fallait être bon orateur. D'abord, évidemment, les étudiants étaient préparés. Hein. Dès qu'ils entraient à l'université, ils suivaient un enseignement de grammaire latine, de rhétorique et surtout de logique qui leur permettait justement, petit à petit, d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour pouvoir débattre de manière efficace. Et puis, justement, dans cette posture de celui qui porte les arguments, il y a la prise en compte, eh bien, de la tenue, de l'apparence. Oui, même chose que pour les époques postérieures. Les règlements de l'université organisent les disputes, non pas en indiquant les thèmes que les maîtres devraient traiter. De ce point de vue-là, il y a une liberté pédagogique, même s'il faut rester dans le champ de sa discipline. C'est très important, ça. Mais par contre, on règle tous les aspects matériels et en particulier la tenue de ceux qui participent à la dispute et on recommande aux étudiants de venir dans la tenue de la faculté. C'est très important de mettre en place comme ça une réflexion sur l'oralité dans l'enseignement. L'oralité qui a été critiquée aussi en partie, cette dispute médiévale a été critiquée. Françoise Vaquet, comment s'est construit justement les critiques sur la dispute médiévale? Parce que vous nous avez dit que l'oralité demeure et c'est tant mieux, mais cela se transforme. Cela se transforme dans les critiques qui ont été faites, et si l'on va au-delà des humanistes, par exemple, si on arrive jusqu'au XVIIe siècle, c'est jugé comme fabriquant des cerveaux creux, des gens capables de dire le pour et le contre, et finalement de créer aussi des savoirs qui sont complètement, instables finalement, puisque tout se vaut, le pour et le contre se valent également, et donc de créer aussi pour ceux qui ont pratiqué la dispute, finalement, des esprits faux, en quelque sorte, hein, hypocrites, etc. En ce qui concerne, je voudrais revenir un petit peu sur, si je peux me permettre, sur la question de la tenue et du corps. Et pour les époques modernes, disons 19e, 20e siècle, il y a aussi toute une tenue du corps qui a été, en quelque sorte, normée, apprise, un style de la parole, et que l'on voit parfaitement bien quand on lit les rapports des agrégations. Et là, on voit combien le futur professeur devait avoir un style de professeur, s'exprimer d'une certaine façon, avec une certaine, c'est pas peut-être de la grande éloquence, mais avoir un style de parole, aussi un style de regard, porter le regard sur son auditoire et non sur ses notes. Éviter tous les tics de langage. Aussi avoir évité tous les provincialismes. Ça, c'est très, très, très, très, très marqué. Et cela, on le retrouve aussi dans les rapports, on le trouve dans les règlements et pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et aussi avec des différences qui se sont estompées, mais qu'on voit au début du XXe siècle entre le style de parole des hommes et le style de parole des femmes. En particulier pour l'histoire, où l'histoire était jugée beaucoup plus masculine, puisque les hommes ont une voix grave, la voix du grand genre historique, alors que les femmes, ayant une voix, soi-disant, plus faible en quelque sorte, hein, était jugé plus apte à des enseignements de littérature, genre plus féminin. Donc là, on voit qu'il y a tout un, finalement, une normalisation et un conditionnement des actes de parole. C'est passionnant, c'est-à-dire qu'en écoutant le rythme de parole, on peut se dire, voilà, nous avons ici un professeur, oui. On ne parle pas en tant que professeur comme l'on pouvait parler comme ça dans une discussion. Exactement, avoir le style du professeur. Et je dois dire que c'est quelque chose qui a été très peu étudié. Autant on a étudié des formes d'éloquence pour des professeurs qui, par exemple, ont eu une activité politique, du type Michelet, par exemple. Mais ensuite, cette éloquence quotidienne, cet art quotidien est très peu étudié. Nous allons justement illustrer ça parce que vous allez voir, peu importe l'âge, quand il s'agit de prendre la voix du professeur, c'est ce qui arrive au petit Pierre. Ah non, pardon, Jean-Michel. Je vous présente le premier concurrent qui est très méritant parce qu'il a le courage de se présenter devant le jury avec d'ailleurs beaucoup d'assurance, après ce que je vois, c'est Pierre Jean-Michel Froianelli, âgé de 12 ans, et le voici. Mesdames, messieurs, qu'est-ce que la bonne camaraderie ? Plusieurs définitions se présentent à mon esprit de collégien, je n'en retiendrai qu'une. La bonne camaraderie est une tournure d'esprit qui fait que tel enfant se plaît en compagnie d'autres du même âge. Cette qualité en exige une autre, celle d'être sociable. La sociabilité se manifeste non seulement dans les jeux, mais aussi en classe et dans les réunions d'enfants de tous ordres. De camarade à camarade, il s'établit facilement des relations franches qui permettent à chacun de faire appel à l'aide des autres. La bonne camaraderie demande qu'on ne soit pas jaloux de ses livres et de ses cahiers, qu'on sache donner à qui le demande le renseignement bibliographique utile ou la marche à suivre pour la solution d'un problème. Un reportage issu de l'émission Rendez-vous à 5h, un concours d'éloquence pour les jeunes. C'était en 1952. Alors là, Françoise Vaquet, il a tout compris, Jean-Michel. Ah bah, il est impressionnant parce que le jeune Jean-Michel parlait de bibliographie. Vraiment, ça c'est un enfant d'élite, je dirais. C'est intéressant aussi parce qu'il est dans l'éloquence, c'est-à-dire le discours. Nous ne sommes plus du tout dans la dispute. Alors il est héritier de cette longue évolution. La dispute un peu oubliée pour le discours qui est presque absolu et qui tient en lui-même le pour, le contre et la synthèse. Ah oui, là c'est parfait. Mais je ne sais pas si c'est ce discours qui serait le plus convaincant en quelque sorte, parce qu'aussi il faut que le discours universitaire, comme tout discours en quelque sorte, hein, que ce soit dans l'enseignement ou que ce soit dans une communication, un colloque, il faut convaincre hein, d'une certaine façon. Et je ne sais pas si ce que disait cet enfant et la façon dont il parlait aurait vraiment convaincu. Le sujet aussi est intéressant parce que Jean-Michel, qui devient le héros du cours de l'histoire aujourd'hui, évoque la camaraderie. Et alors, Claire Angotti, c'est quelque chose de très important aussi dans l'enseignement, parce que la dispute nécessite au minimum deux personnes. Au minimum. Oui, tout à fait. Et d'autant plus qu'il y a, disons, au cours du XIVe siècle, une transformation un peu de la dispute, où finalement le maître joue un rôle un peu moindre. Et ce sont les étudiants qui animent un certain nombre de disputes, au sein en particulier des collèges, mais alors des collèges universitaires. Et on peut prendre l'exemple de la Sorbonique, par exemple, qui est une dispute tout à fait particulière, qui est organisée au sein du collège de la Sorbonne, et qui est animée par un étudiant désigné comme maître des étudiants qui va donner un certain nombre de thèmes à traiter à ses camarades sous forme de dispute. Et cette participation à la Sorbonique qui va petit à petit entrer finalement dans le cursus des étudiants en théologie pour devenir une sorte d'étape obligatoire pour ensuite briguer le titre de maître en théologie. Il faut avoir participé à une Sorbonique. Et avec ces relations humaines qui sont essentielles, Françoise Vaquet, dans votre histoire émotionnelle du savoir, mais c'est une histoire de chair, c'est une histoire de vivant. Bah oui, parce que c'est ce qu'on oublie souvent en plaçant le monde universitaire sous la bannière de la raison, et sous la bannière aussi de l'écrit, de l'imprimé, on oublie, et en le représentant sous la forme de livre de publication, comme on dit aujourd'hui, de livrable en quelque sorte, on oublie que derrière il y a des personnes avec leurs émotions, leurs sympathies, leur antipathie, leurs échecs, leurs souffrances aussi, le travail marche, ne marche pas, etc. Il y a tous ces états émotionnels qui fait aussi que la recherche se fait, qui fait aussi l'enseignement. C'est pareil, dans l'enseignement, souvent on sent que ça passe pas, etc. Il y a un contact aussi quasiment physique, d'une certaine façon, qui se produit, oui, c'est certain. Et nous l'avons tous vécu au cours de nos études. Ah. L'oralité est essentielle, cette oralité du moment du café, du couloir, exactement, de la bibliothèque. C'est très important, exactement. Françoise Vaquet aussi. Vous avez tout à fait raison. Parce qu'il ne faut pas se limiter à une oralité que l'on pourrait qualifier de formelle, c'est-à-dire celle des cours, des exercices pratiques, des séminaires, des conférences, des colloques, etc. Il y a toute une oralité informelle qui est celle des discussions, et souvent par hasard, qu'on rencontre quelqu'un dans une bibliothèque, on rencontre quelqu'un dans un couloir, on parle, bon, parfois ce sont peut-être des potins, mais parfois aussi ce sont des informations sur des projets qui se montent, sur des recherches en cours, et souvent aussi là, tout d'un coup, il y a le renseignement essentiel qui permettra de progresser avec un plaisir infini. Le plaisir est là, un autre mot à placer dans cette conversation est celui d'amitié. Ah oui. L'amitié est nécessaire et pour bien agir dans la vie active et pour bien penser dans la vie contemplative. Bien que le contemplatif puisse être solitaire quant à l'habitat, il convient cependant qu'il ait des amis et des compagnons avec lesquels il se met en quête de la vérité. Autrement, il ne peut pas saisir parfaitement la vérité et ainsi ne sera pas heureux. L'homme comblé d'un bonheur contemplatif évite lui aussi d'être toujours seul et recherche la société de deux ou trois personnes avec qui il pourrait échanger et discuter de ses trouvailles, déployer ses aptitudes intellectuelles. Marc-Henri Boas, qui était de nouveau Albert le Grand, donc ce frère prêcheur du XIIIe siècle, Claire Angotti le dit très bien, Albert le Grand, en fait, il ne faut pas être seul pour pouvoir s'enrichir. C'est aussi un message, c'est quelque chose de très important. Oui, tout à fait. Enfin, les étudiants se groupent toujours autour d'un maître. Hein. On n'est jamais seul, justement, non seulement pour mener les disputes, mais pour comprendre le texte qu'il est nécessaire d'expliquer. Et on insiste sur le fait que les étudiants doivent travailler ensemble, poser des questions au maître à la fin d'une séance, précisément, pour pouvoir progresser. Alors, ceux qui sont très très forts, justement, ce sont les maîtres réguliers, en particulier les frères mendiants, les dominicains, les franciscains, qui développent vraiment une forme de travail d'équipe avec différents types d'exercices au sein des couvents. D'accord, parce que là, autour de cette oralité, nous avons ce lien entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, étant donné qu'une nouvelle épreuve apparaît au baccalauréat, le grand oral. Françoise Vaquet, vous avez un regard particulier sur ce grand oral, au sens où, sans rentrer dans le détail de l'épreuve elle-même, la notion même de mettre l'oral au cœur de l'enseignement est quelque chose qui vous tient à cœur, vous qui êtes l'auteur de Parler comme un livre, l'oralité et le savoir. Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur, vous avez raison. Par contre, dire, me prononcer sur une épreuve dont j'ignore tout est une autre affaire. Je pense que finalement, cela, et surtout par rapport, enfin, dans notre système français, hein, une modification importante par rapport à ce qui se faisait, c'est-à-dire on jugeait essentiellement sur de l'écrit. Bon, mais si on regarde dans d'autres pays, ce n'était pas le cas. En Italie, par exemple, à l'université, on écrit très peu. Tout se fait pratiquement à l'oral, sauf à la fin, la thèse, la lauréat, comme on disait, puis le doctorat. En France, bon, il y avait cette grande discipline de l'écrit, beaucoup plus forte peut-être qu'ailleurs, puisque même souvent c'était tout se jouait à l'écrit, l'oral ne venait qu'ensuite. En rattrapage, même. En rattrapage, ouais. Où d'abord il fallait être admissible à l'écrit. Donc là, ça va changer quelque chose. Le problème, c'est de savoir en quoi consiste cet oral, comment il est organisé, ce qu'on en attend, comment les étudiants sont formés, quelles aptitudes doivent-ils avoir, etc. C'est un certain nombre de questions. Oui, c'est très difficile de savoir comment fonctionne une épreuve sur l'oralité, parce que nous pensons souvent au talent individuel, mais nous avons bien compris en vous écoutant l'une et l'autre que non, la formation est essentielle. Et vous, Claire Angotti, vos étudiants médiévaux formés à la dispute. Non, mais quand vous regardez ces textes-là, vous êtes surpris par la vivacité intellectuelle que permet la dispute, ou vous vous rendez compte que malgré tout, il y a des format un peu figé et répétitif. Tout dépend de l'intelligence de celui qui mène la dispute et de celui qui construit vraiment le débat. Je pense qu'il y avait de tout, hein. On a par exemple des manuels d'examen où les questions sont extrêmement attendues sur le contenu de la discipline, et il est clair que les étudiants les plus faibles, disons, les moins intelligents peut-être, répéter finalement bêtement le contenu de ce qui figurait comme réponse attendue à cette question. Ce qui vaut à travers les siècles, en fait. Hein. Oui. Comprenons les choses, et rien ne sert d'annoncer sans comprendre. En tout cas, merci vivement à vous deux, Claire Angotti. Les livres des maîtres de Sorbonne, histoire et rayonnement du collège et de ses bibliothèques du XIIIe siècle à la Renaissance, aux publications de la Sorbonne. C'est un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Donatella Nebbiaï et Gilbert Fournier. Et puis, merci beaucoup à vous, Françoise Vaquet. Je rappelle votre dernier ouvrage, Une histoire émotionnelle du savoir. Et puis après, on peut regarder tous les autres ouvrages, Parler comme un livre ou L'ordre matériel du savoir. Et il y en a d'autres. Merci vivement à vous deux. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Merci. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Le New Deal américain, un âge d'or très discuté. Le plan de relance de Joe Biden pour sortir les États-Unis de la crise économique qui accompagne la crise sanitaire ne cesse d'étonner. Onde de choc, arrêt de mort du néolibéralisme à l'américaine, les manières de qualifier cette politique de générosité expriment la surprise et se réfèrent sans modération à un autre plan de relance historique, le New Deal. Joe Biden serait-il le Franklin Roosevelt du XXIe siècle ? Celui qui lance en 1934 cet ensemble de réformes progressistes pour lutter contre les effets dévastateurs de la crise de 1929 et de la Grande Dépression qui l'accompagne. Le New Deal est devenu synonyme d'une ambition de partage économique et de performance sociale. Le New Deal est devenu un mythe, un espoir, un vœu pourtant très discuté et travaillé par les économistes, les historiennes et les historiens. C'est justement sur les relectures successives du New Deal que se penchent Jean-Christian Vinel et Romain Huret sur le site de la revue AOC. Ce New Deal façon 2021 surprend encore, d'abord parce qu'il est proclamé depuis le pays de l'anti-étatisme. Une rupture portée par la volonté affichée de réconcilier deux notions qui paraissaient très étrangères déjà dans les années 30, voire franchement exotiques l'une à l'autre, le capitalisme et l'égalité. Mais ça n'est pas la seule nouveauté, loin de là. D'abord, le New Deal, dans les années 30, rend de la vitalité à un monument sacré, la Constitution américaine. Pivot central de l'État américain, les réformes engagées par cette voie-là donnent la preuve qu'elle n'est pas un texte figé pour l'éternité, mais capable d'accompagner des réformes nécessaires à la poursuite du bonheur, promis pour chacun si ce n'est pour chacune. Les premiers historiens du New Deal vont même jusqu'à lui attribuer des vertus d'adaptation qui auraient sauvé les États-Unis du fascisme qui conquiert l'Europe dans les années 30, avec la promesse pour tous d'accéder à une American Way of Life déjà légendaire. Entre-temps, le mythe du New Deal a malgré tout connu quelques égratignures. Dans les années 60, c'est son conservatisme qui est mis en avant. Pas si progressiste que ça, le New Deal ne partageait pas le gâteau essentiel, le pouvoir. Loin de transformer en profondeur le capitalisme, Roosevelt l'avait sauvé, et ses élites avec lui, pour lui donner une seconde vie sans plus de place aux minorités et aux modèles politiques et économiques alternatifs. Un New Deal réduit à un jeu de dupes, qui reprend malgré tout quelques couleurs avec l'accès au pouvoir du très libéral Ronald Reagan à la présidence dans les années 80 et avec lui une lutte acharnée contre les acquis du New Deal. Sa défense était désormais à l'ordre du jour jusqu'en 2008 où déjà, lors de la crise des subprimes, le magazine Time publiait un portrait de Barack Obama avec en couverture une photo connue et reconnue de Roosevelt dans une décapotable, porte-cigarette en bouche et chapeau de feutre sur la tête, seul le visage d'Obama venant se superposer à la silhouette historique reconnaissable de Roosevelt. Avec toutes les critiques dont il pouvait faire l'objet, le New Deal était redevenu, envers et contre tout, un âge d'or. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscane-Viudès, Odile Joëssel, Marion Dupont, Juliette Corbel-Vivas et Maïwenn Guizhou, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Demain, Sarah Bernard en faisait-elle trop, déclamée d'hier à aujourd'hui.